On sait jamais, ça peut être payant. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Bienvenue à notre émission de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. On va se promener un peu partout sur les internets cette semaine. Comme à l'habitude, je vous ai fait une sélection de musique. Donc, vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. Pour ça, ben, c'est assez simple. Vous allez sur le site de Web Musique. C'est situé au www.webmusique.ca. Vous avez la playlist et vous avez accès aussi au podcast des émissions précédentes. Il y a aussi plein de liens donc en rapport avec le monde Net Audio. Donc, une bonne source de musique gratuite sur le site de Web Musique. Sans plus attendre, ben on va débuter avec un artiste espagnol du nom de Dropout. Je vous fais passer sa pièce DNA. C'est publié sur l'étiquette Anti-Ritmo, une étiquette qui nous vient de la ville de Madrid en Espagne. Puis aussi tout de suite après, également sur la même étiquette sur Anti-Ritmo, c'est Green Cross, un artiste du Venezuela. Je vous fais entendre sa pièce Au Melhor. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc ben c'est ça, on débute Web Musique tout de suite avec Dropout. We'll be right back.

du Venezuela. C'était donc Green Cross avec sa pièce O Melhor. Donc, vraiment excellent comme pièce. Assez planant. Merci. Avant ça, on avait débuté Web Music avec un artiste espagnol du nom de Dropout avec sa pièce DNA. Donc, ces deux artistes-là étaient publiés sur l'étiquette Antirythmo, une étiquette qui nous vient de Madrid, en Espagne. Pour la suite, je vais vous proposer trois pièces d'un artiste que j'adore. C'est Motown Junkie. C'est lui qui est le patron de l'étiquette Phonotactics, une excellente étiquette portugaise. Donc, plein de trucs vraiment pétés sur Phonotactics. Je vous invite à aller faire un tour du côté de leur site. Ils ont toujours plein d'albums vraiment étranges à proposer, toujours dans la veine électro, un peu hip-hop sur les bords. Donc, c'est ça, allez voir Phonotactics, vous serez vraiment pas déçus. Donc, c'est ça, comme je vous disais, trois pièces de Motown Junkie. On va entendre tout d'abord la pièce Self Hypnosis. Ça va être suivi par Ill Down. Et ensuite de ça, c'est They Have a Pact with the Devil. Donc, c'est trois pièces tirées de son album Self Hypnosis. On écoute tout de suite Motown Junkie avec sa pièce Self-Hypnosis. dig you, baby, from dusk till dawn. Now there's a hole in my front lawn. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre trois pièces de l'artiste Motown Junkie, un artiste portugais. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce They Have a Pact with the Devil. C'était précédé par la pièce Hail Down. Et avant ça, c'était Self Hypnosis. Donc, trois pièces tirées de son album Self Hypnosis. Pour la suite, je vous propose donc Egg Nebula, c'est avec sa pièce Cannelle Chinoise, c'est tiré de la compilation Circuit Imprimé, Volume 2, donc on écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you.

C'était la pièce « Tantôt bonheur » par Monika Pitch, une artiste polonaise de la ville de Poznan. C'était donc « Tantôt bonheur » et avant ça, c'était « It's just another day ». C'était donc tiré de son album « Day by Day ». C'était publié sur l'étiquette Rhythmus, une étiquette espagnole. Publié sur la même étiquette, on va poursuivre avec Laszlo Holyfield. Je vous fais entendre la pièce « Madrid ». Laszlo Holyfield qui nous vient de la ville de Gijón en Espagne. Ensuite de ça, tout de suite après, ça va être donc Kill Minimal avec sa pièce Freak Tour. C'est un artiste qui nous vient de la ville de Madrid en Espagne. C'est publié sur l'étiquette diplomatique, donc vraiment excellent. On écoute tout de suite à Web Music Laszlo Holyfield. de la ville de Madrid en Espagne, c'était Kill Minimal avec sa pièce Freak Tour. C'était publié sur l'étiquette diplomatique. Avant ça, de la ville de Gijón en Espagne, c'était Laszlo Holyfield avec sa pièce Madrid. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vais vous quitter sur une dernière pièce. Puis, restez à l'écoute tout de suite après. C'est Jean-Pierre Gay et Ariane Plante pour la croche-oreille. Donc, restez à l'écoute. Plein de bonne musique encore pour le reste de la soirée à l'antenne de CKRL. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce. L'artiste italien Lolo. Je vous fais entendre la pièce Mole Cola. Puis, on se quitte là-dessus. Bonne soirée. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le 15 février 2013, CKRL aura 40 ans. Soyez des nôtres. Restez à l'écoute. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 418-640-2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi.